Bonjour et bienvenue à cette édition de CNX.zip, émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Cette semaine, on compresse la semaine du 19 mars. Parmi nos sujets, Cambridge développe une désimprimante. Un reportage sur les conditions de travail chez Apple a été falsifié. Le nouvel iPad coûte 375$ à produire. Une nouvelle batterie flexible. The Pirate Bay veut envoyer des serveurs en orbite. Tout ça en plus du tour du net, des nouveautés en magasin cette semaine et de beaucoup, beaucoup de musique chiptune. On commence justement en musique, voici J-Red et Namco Highway. Chronique Geek CNX en ce lundi 19 mars, première chronique de la semaine, évidemment. Donc, on résume les journées de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va aller très, très vite. Une équipe de chercheurs de l'Université de Cambridge a publié dans le Proceedings of the Royal Society ses recherches sur une désimprimante capable d'effacer le toner d'une page imprimée une imprimante au laser. Oui, la technique utilise un rayon laser qui permet de vaporiser le toner d'une feuille, ce qui pourrait notamment permettre à terme de réutiliser du papier usagé plutôt que de le recycler. Je cite, l'idée était de trouver quelle énergie était assez élevée pour que le laser puisse vaporiser le toner, mais assez basse pour éviter la destruction du papier. Je pense que c'est assez important, ça. Ouais. Donc, la longueur d'onde idéale pour l'opération est finalement de 532 nm. Avec une durée de pulsation assez longue de 4 nanosecondes. Détail intéressant, il est possible d'effacer et de réimprimer une feuille avec ce procédé à plusieurs reprises. Plus une page est effacée, plus le laser risque de l'abîmer, par contre, notamment en lui donnant une teinte jaune. Les chercheurs de Cambridge n'ont toujours pas breveté la technique ni contacté de fabricants d'imprimantes pour leur proposer leur découverte. Il faudra donc attendre encore longtemps avant que les imprimantes tout en un intègrent également une désimprimante. Joli terme, quand même. Oh oui. Bonne idée. Toujours dans les avancées technologiques, les aveugles n'auront plus d'angle mort. Selon Chu, une jeune... c'est Céline. Céline Chu, jeune étudiante singapourienne. Mais d'angle mort? Oui, vous allez voir. Jeune étudiante singapourienne et la lauréate du Grand Prix NetExplo, remis par le ministre français de l'Industrie, Éric Besson, ce jeudi 15 mars, pour son projet de canne blanche détectant les obstacles, baptisé Blind Spot. Celle-ci est munie d'un téléphone portable, d'un capteur à ultrasons et d'un navigateur tactile. Blind Spot détecte les obstacles en hauteur et prévient de la présence à proximité d'amis, signalés via un service de géolocalisation en ligne. Pliable et facilement rechargeable, la canne peut également faire office de téléphone mobile à la maison. Hein? Elle m'a tapé sur ma canne, peut-être, tantôt. Hein? Le Grand Prix NetExplo 2012 récompense chaque année un projet destiné à bouleverser de manière durable le quotidien du grand public dans les années à venir. Vous pouvez aller voir la vidéo de démonstration de la canne intelligente sur assemblagerequis.com. Une nouvelle qui va intéresser notre ami Simon Fitzbay, qui en avait parlé, je me souviens très bien, à la radio et dans le Zone Campus. Un reportage sur les conditions de travail chez Apple a été falsifié et les producteurs de l'émission s'excusent. En janvier, la populaire émission de radio publique This American Life a diffusé un reportage sur l'artiste Mike Daisy. Le reportage contenait un extrait d'une pièce de théâtre de Daisy intitulée The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs, dans laquelle il raconte en monologue sa visite à plusieurs usines d'Apple en Chine. Dans son monologue, Daisy raconte avoir discuté avec des employés des usines dont les mains tremblaient d'avoir manipulé les produits pour nettoyer les écrans d'iPhone, de travailleurs blessés qui ne recevaient pas de soins médicaux, de dortoirs d'employés surveillés par caméra et plus encore. Cet épisode de This American Life a été le plus téléchargé de son histoire et a directement poussé des gens et organismes à créer une pétition pour qu'Apple améliore les conditions de travail en Chine. Et bien, vendredi dernier, le producteur et animateur de l'émission s'est excusé pour ce reportage, ayant découvert que Daisy avait inventé plusieurs parties de son monologue pour effet dramatique. C'était la première fois en 17 ans que l'émission devait faire ses excuses. Je cite, « Daisy nous a menti pendant les vérifications de routine que nous avons effectuées, le producteur et moi. Cela n'excuse pas le fait que nous n'aurions jamais dû diffuser ce reportage et en bout de ligne, c'est notre erreur », a affirmé Ira Glass, l'animateur. Apple n'a pas directement commenté la controverse depuis, mais Tim Cook, le PDG d'Apple, l'a fait par la bande en février, rassurant les investisseurs que la compagnie avait les plus hauts standards pour la sécurité de ses travailleurs en disant, je cite, « Je n'ai pas besoin de voir une pièce de théâtre, je connaissais déjà Steve Jobs. » Eh bien. Ça va nuire à Mac Daisy pas mal pour sa carrière, ça. Ouais, c'est sûr. Il a beau dire, ah, c'était du théâtre, c'est de la fiction, c'était pour améliorer l'histoire, ouais, mais tu l'as présenté à une émission qui est supposée être un documentaire, genre. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire. Lancement du nouvel iPad, quelques files d'attente, mais pas trop. Donc, la bête est lancée, le nouvel iPad qu'on n'appelle pas Apple, le iPad 3, évidemment, on le rappelle, c'est Apple qui le rappelle. Le nouvel iPad. Le nouvel iPad. Enfin, son arrivée dans les Apple Store et autres marchands affiliés. Il s'agit du plus gros lancement pour la tablette d'Apple, lancée dans 16 pays simultanément, dont l'Australie et la France, le Canada et les États-Unis. L'article de branchez-vous.com nous dit, si l'engouement semble se confirmer aux États-Unis, où certains Walmart ont même ouvert leurs portes à minuit, au Québec, du moins, la frénésie frappe par son absence. À Montréal, au Apple Store de la rue Sainte-Catherine, on a dénombré moins de 200 personnes en file d'attente pour l'ouverture à 8 heures. Disons cependant que le premier y était depuis jeudi après-midi. À Québec, c'est autour de 200 personnes aussi qui se sont présentées à l'avance au Apple Store de Place Sainte-Foy pour mettre la main sur le nouvel appareil. Allez voir le reste de l'article sur assemblagerequis.com. Toujours au sujet de l'iPad, on apprend qu'il coûte 375 $ à produire. Ça, c'est pour la version la plus chère. La version Wi-Fi plus 4G 32 gigs du nouvel iPad coûte 375 $ à produire selon iSupply, soit une augmentation de 39 $ par rapport à l'iPad 2. Et même si Apple n'a pas répercuté cette hausse sur les prix de vente, il conserve une belle marge. Apple serait-il sympathique avec ses clients, en tout cas pour son nouvel iPad? Non, hein? Non. En tout cas, pour son nouvel iPad, la marque à la pomme a décidé de conserver à 1 ou 2 euros par-ci par-là la même grille tarifaire qu'avec l'iPad 2, alors qu'il coûte environ 12% plus cher à produire pour un total qui se monte à 375 $ contre 336 pour la génération précédente. Mais ça, j'ai de la misère parce que c'est évalué par une autre compagnie, tu sais. Fait que les chiffres. Ouais, la compagnie, est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à perdre en disant ça? Ben, écoute. Moi, j'ai... Pour montrer, ben, dans le fond, ils veulent gagner en espérant que Apple, que ça nuise à Apple côté. Ben, je sais pas, le but principal, j'ai aucune idée, mais tu sais, quand ça vient de quelqu'un d'autre, c'est approximatif. Ouais, iSupply, je sais pas, j'ai tendance à leur faire confiance. Ouais. Ils font ça depuis tellement longtemps, ces affaires-là. Je sais pas. Ouais. Mais bonne question. Ça représente un total de 194% du montant. C'est vendu 729 $ et ça coûte 375 $ à produire. Donc voilà, allez voir le reste et les photos sur assemblagerequis.com. Insolite information rapportée par Wired. Le site rapporte qu'un data center de Google situé dans la Silicon Valley serait totalement plongé dans le noir. Pourquoi? Eh bien, la firme voudrait cacher un maximum de choses aux techniciens et ainsi éviter d'être espionné. C'est un employé d'Equinix, une entreprise spécialisée dans les réseaux et qui travaille avec Google, qui explique la situation. Je cite, « Il y a beaucoup de sociétés qui essaient de garder leur structure discrète. La propriété intellectuelle est précieuse pour beaucoup, mais nous avons toujours été étonnés par Google et ses casques. » Donc, le gars de chez Equinix explique avoir enlevé, il y a 2 ans, toutes les ampoules disposées dans les cages des serveurs du data center de Google. Ils nous ont demandé d'éteindre toutes les lumières au plafond et ont doté leurs employés de casques avec des lumières, comme ceux dans les mines. Oh, hein? Ouais, Google chercherait à limiter les tentatives d'espionnage. Encore une fois, le reste sur assemblagerequis.com. Le système de verrouillage d'Android basé sur l'enregistrement d'un schéma. Est-ce que tu as déjà utilisé un téléphone Android? Il faut que tu fasses une forme que tu décides toi-même. Il y a comme 9 points, un peu comme les touches d'un téléphone, et tu dois faire une forme pour le débarrer à la place de choisir des chiffres. Non, j'avais entendu parler de ça. C'est peut-être toi-même qui n'avais parlé. Peut-être, mais l'idée est très très bonne. Mais justement, c'est encore plus sécuritaire qu'on le pensait. Le système de verrouillage pose des problèmes au FBI dans le cadre d'une enquête. Ah ouais. Une information qui a le mérite de démontrer que la méthode de protection de Google est efficace. Voilà qui devrait rassurer les possesseurs de smartphones Android qui se demandent si la protection proposée est suffisante pour mettre un voleur en déroute. Le FBI vient d'admettre que le système de verrouillage par schéma entraîne actuellement des difficultés dans une enquête liée à un réseau de prostitution aux États-Unis. Le FBI a récupéré un smartphone Samsung Exhibit 2 protégé à l'aide de ce système et ses techniciens ne parviennent pas à accéder au contenu du téléphone puisqu'ils n'arrivent pas à casser le schéma. Oh boy. Ouais, c'est dit que le terminal appartenait à l'un des plus grands proxénètes présumés de la région de San Diego. Proxénète, c'est quoi? C'est un pimp, ça, là, j'imagine? Ouais, ouais, exact. C'est ça. Donc, le FBI a néanmoins besoin du contenu de l'appareil pour continuer son enquête et a donc déposé une demande de mandat de perquisition auprès du tribunal de San Diego qui a validé la demande. Les enquêteurs fédéraux vont donc pouvoir continuer à travailler avec l'aide de Google qui va devoir fournir les informations nécessaires permettant d'accéder aux données. Eh ben... on saute par-dessus quelques articles. Je vais vous laisser aller voir sur assemblagerequis.com pour entendre parler d'une riposte graduée de la part des États-Unis et de l'industrie du disque. Les principaux opérateurs et les ayants droit américains devraient mettre en place prochainement un système d'avertissement à l'encontre des internautes qui téléchargent illégalement sur les réseaux de partage de fichiers illégaux. Comcast, Verizon et Time Warner pourraient mettre en place cette architecture dès le 12 juillet. Il y a aussi un article sur le cellulaire qui serait un danger pour le fœtus. Donc, une nouvelle étude qui montre que l'exposition au rayonnement des téléphones portables pendant la grossesse peut causer des troubles du comportement chez les enfants plus tard dans la vie. On revient sur un article dont on a parlé la semaine passée. Un habitant du hameau de Maine-et-Loire qui avait assigné Google en référé le 1er mars après la mise en ligne sur l'application Street View d'une photo où on pouvait le voir en train de faire pipi dans son jardin. Tu te souviens? Un gars qui faisait pipi dans son jardin. Ça a été débouté, ça, selon les sources judiciaires, donc ça ne passe pas. Et parlons de jeux vidéo. Chez Microsoft, on travaille pour trouver des applications au Kinect. Les ingénieurs ont mis sur pied récemment un concept très intéressant exploitant la réalité augmentée. Beamatron est un accessoire équipé d'un projecteur et d'un capteur Kinect. Ils sont montés sur une tête rotative qui rappelle certains projecteurs qu'on peut voir dans les boîtes de nuit. Elle permet de faire un lien entre le monde virtuel et le monde réel. Donc, ce produit est capable de projeter des objets virtuels dans notre monde. Le logiciel Kinect Fusion lui permet de créer une carte 3D de l'environnement physique autour de lui en utilisant Kinect. Et ensuite, il est capable de projeter un objet en s'assurant qu'il conserve ses dimensions et ce, peu importe où il se trouve. Sur une vidéo publiée sur assemblagerequis.com, évidemment, Andy Wilson, le responsable de la recherche chez Microsoft Research, nous montre un exemple concret de cette technologie-là. On peut voir une petite voiture contrôlée par une manette qui, comme une vraie, réagit aux obstacles et peut accélérer sur une rampe. Concrètement, ce genre d'outil technologique pourrait être utilisé à la maison, par exemple dans une pièce où on pourrait projeter différents messages, comme la réception d'un courriel, l'appel d'un ami, sur les murs ou les planchers en s'assurant qu'on puisse toujours les voir. Débile. Je trouve ça malade. Allez voir la vidéo, c'est très impressionnant. Cool. Vraiment, j'adore ça. Toujours au sujet du Kinect, le détecteur de mouvement de la Xbox 360 est présentement utilisé dans un magasin de vêtements pour femmes afin d'aider celles-ci à choisir la paire de jeans parfaite. C'est un Bloomingdale à Los Angeles qui offre à ses clientes, qui l'offrait jusqu'à la fin de semaine. Le Body Metric Spa d'un appareil qui utilise 8 détecteurs Kinect pour établir une carte en 3D du corps de la chercheuse du jeans idéal. Le tout prend environ 5 secondes et c'est gratuit. Eh ben... Il y a une plainte au gouvernement américain concernant la fin du jeu Mass Effect 3. La conclusion de Mass Effect 3 et de la trilogie de Command Shepard a déçu de nombreux joueurs, probablement la majorité, nous dit l'article d'ArtGamers.com. Les fans ont fait valoir leur mécontentement et BioWare tente de contrôler la grogne. Un groupe de joueurs zélés a décidé de déposer une plainte officielle. Je sais. Auprès de la FTC, la Federal Trade Commission, une branche du gouvernement américain. La plainte en question allègue qu'Electronic Arts et BioWare ont menti sur la fin du jeu lors de la campagne publicitaire et des entrevues. Ben, ils ont menti. Pourquoi? Ça finit pas comme prévu? Ça dit, selon eux, le produit final ne respecte pas les promesses effectuées par les créateurs avant la sortie du jeu. C'est un jeu, là. Tu sais jamais comment est-ce qu'il va finir. Ben, c'est ça. On parle pour l'instant que d'une plainte et non pas d'une poursuite. Ça va sûrement être relégué au recyclage. Voilà pour les nouvelles. Côté tour du net, très rapidement, nouvelle mode en ce moment, c'est le trash canning. C'est de prendre des photos de soi-même avec le contenu de sa poubelle dans sa poubelle. Donc tu mets ta poubelle dans ta face et tu prends une photo de toi-même avec ta poubelle en face. C'est une nouvelle mode, c'est le trash canning. Wow. Il y a aussi le Coneying. Je sais pas si t'as entendu parler du gars qui a créé Coney 2012, le documentaire ouais, que tout le monde se partage. Ouais. Il est devenu fou. Il s'est masturbé en public, tout nu. Une espèce de débile profond. Ben non. Jason Russell et maintenant la. Oui, ben oui. Allez voir sur les différents Google pour chercher le nom de Jason Russell, le créateur de Coney 2012, que tout le monde a adoré, évidemment, qui a été partagé mille et mille fois. Donc, le Coneying, c'est une nouvelle façon de danser. C'est donc de se mettre les jambes écartillées et de fesser à terre en montrant tes fesses. C'est le Coneying, c'est une nouvelle mode, après le planking. Hein? Ah, j'ai passé la vidéo, d'ailleurs, sur... sur assemblagerequis.com de la masturbation de notre ami de Coney 2012. Complètement ivre et nu dans la rue de San Diego. Allez trouver ça, ça vaut la peine. Chaque épisode de Itchy et Scratchy des Simpsons en un seul vidéo de 48 minutes 18. Donc, si vous voulez voir bout à bout tous les épisodes jusqu'à maintenant d'Itchy et Scratchy, la vidéo est sur assemblagerequis.com. Le point de vue d'une corde à danser, c'est une vidéo expérimentale, un court-métrage qui peut très bien induire, comment tu dis, induire, en tout cas provoquer du vertigo chez les gens. Ça va vous donner mal à la tête. Donc, c'est une caméra sur une corde à danser et puis on voit ça aller. Les écrans du iPad, de la PS Vita, de la 3DS, du Kindle Fire sous un microscope pour voir la définition, le grain de chacun de ces appareils-là pour voir pourquoi le iPad nouvelle génération a beaucoup, beaucoup plus, bien meilleur écran. Donc, c'est à cause de la densité des pixels. Allez voir ça. Et puis, finalement, des vidéos YouTube qui durent plus de 10 heures. Donc, on parle entre autres du bruit du moteur dans Star Trek Next Generation pendant 10 heures. Non, c'est 24 heures, excuse-moi. 10 heures de la respiration de Darth Vader, hein? Et un paquet de choses comme ça que je vous ferai pas jouer par manque de temps. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. .com. restez avec nous après la pause. Plus de musique chiptune et la chronique de mardi à CNX.it. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusions ainsi que les pièces jouées dans l'émission d'aujourd'hui sur assemblagerequis.com. On continue en chiptune, voici Kobe et Damage. Geek CNX en ce mardi matin, donc les nouvelles depuis hier matin, lundi. On commence par certaines applications des plus populaires sur les téléphones Android et Windows Mobile peuvent être gratuites, mais elles grugent très rapidement la batterie des appareils à cause du placement publicitaire. C'est ce qu'on apprend. À peu près 75% de l'énergie utilisée pour les applications gratuites servent à cibler les consommateurs grâce à de la publicité géolocalisée. C'est ce que dévoile une étude effectuée par l'université Purdue aux États-Unis, publiée chez le New Scientist. Les chercheurs derrière l'étude ont créé un logiciel permettant d'analyser les exigences des applications en termes de puissance et de batterie. Ils ont étudié des applications populaires comme Angry Birds, Facebook et le New York Times. Dans certains cas, la batterie du téléphone peut être épuisée en 1 heure et demie. Ces données ne sont pas disponibles pour les applications sur iPhone, par contre. Pour la très populaire Angry Birds, par exemple, seulement le 1/5 de l'énergie utilisée par l'application sert à détruire les campements rudimentaires protégeant les cochons verts. Le reste sert à déterminer votre géolocalisation pour vous envoyer des publicités ciblées. C'est pour ça, tu sais, sur Internet, la publicité ciblée, c'est quand on vous dit « Hot ladies in Trois-Rivières ouais. »« Single women in Trois-Rivières ». Toujours très, très crédible, ça. T'es fait avoir, toi? Non, c'est deux fois. prochaine nouvelle. Poursuivi pour violation de brevet sur les émoticônes. OK. Oui. Je savais même pas qu'il y a un brevet là-dessus. Ben justement, un chasseur de brevets, ce qu'on appelle un patent troll de classe mondiale, la compagnie Varia Holdings LLC, poursuit Samsung et Research in Motion, c'est ceux qui fabriquent le BlackBerry, pour avoir violé sa propriété intellectuelle sur l'utilisation d'un bouton pour accéder à une liste de ce qu'on appelle en français communément des émoticônes, mais ce qu'on appelle officiellement des binettes. OK, en français, là. Ouais. Semble-t-il que l'idée d'utiliser un bouton pour accéder à une liste de binettes, ce qui permet de choisir parmi cette liste pour enjoliver un courriel ou un SMS, est une idée brevetable aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Parmi les appareils qui violeraient le brevet en question en offrant un tel bouton sans payer de juteuse redevance, il y a le Galaxy Nexus, le Nexus S et plusieurs modèles de BlackBerry dont les propriétaires n'avaient sûrement jamais eu conscience de leurs activités criminelles. Cette poursuite suit de près celle intentée par Yahoo contre Facebook au sujet d'une variété de brevets couvrant plusieurs aspects fondamentaux du concept d'un réseau social, dont la publicité ciblée, la personnalisation du contenu et les méthodes de protection de l'information privée. Voilà, donc c'est un article selon Paid Content et Business Insider. Je vous rappelle que les liens des articles sont sur assemblagerequis.com et il y a plus de détails là-dessus. La compagnie NEC vient d'annoncer la création d'une nouvelle batterie flexible pouvant être intégrée à des cartes de crédit ou divers écrans pliables, François. Ou une batterie pliable, c'est génial. Appelée Organic Radical Battery ou encore ORB, la batterie a l'épaisseur de seulement 0,3 mm, ce qui est un exploit déjà, mais puisqu'il était difficile jusqu'à maintenant de descendre en bas de 0,7 mm. Ce produit est en développement depuis plusieurs années chez NEC, qui en avait fait l'annonce déjà en 2005. La batterie utilise un polymère organique comme cathode et une électrode de type gel. Le prototype ne mesure que 3 cm par 3 pour une capacité de 3 mAh. Chargée au maximum, elle peut rafraîchir un écran 2000 fois, ce qui s'apparente aux capacités de batterie au lithium habituellement utilisées. Toutefois, un grand avantage est son côté écologique puisque l'ORB ne contient que des matières organiques. Les utilisations potentielles sont infinies, on dit papier, vêtements, cellulaire, matériel informatique et de nombreux produits qui pourraient éventuellement intégrer l'ORB. NEC a annoncé que la production pourrait débuter en 2013 pour la vente en 2013. Eh bien, j'adore ça. L'un des plus grands serveurs de torrent du web, The Pirate Bay, vient d'annoncer qu'il souhaitait envoyer des serveurs en orbite. Pour éviter qu'on ferme ces serveurs de partage de fichiers qui peuvent être légaux et peuvent parfois être illégaux, The Pirate Bay envisage d'envoyer un drone en orbite basse. En effet, le seul moyen de les arrêter serait d'envoyer un avion. D'ailleurs, le site insiste sur le fait qu'il considérait ça comme une vraie déclaration de guerre. Les autres sont partis pour la guerre. Ouais. Je cite, avec le développement des drones contrôlés par GPS, des équipements de radio abordables de grande envergure et des ordinateurs minuscules comme le Raspberry Pi, nous allons expérimenter cela. Raspberry Pi, c'est le petit ordinateur dont je parlais la semaine passée, là, tout petit, là, genre avec prise Ethernet et tout ça. Donc, ils vont expérimenter ça en envoyant quelques drones qui vont flotter à quelques kilomètres dans les airs. Toutefois, le Pirate Bay précise que le projet n'est qu'à ses débuts. Je cite encore une fois, nous ne faisons que commencer, alors nous n'avons pas encore tout trouvé, mais nous ne pouvons plus nous limiter à héberger des choses sur la Terre. Ça a l'air de quelque chose dans... Comment c'est gros? On n'est plus... La Terre, c'est pas assez pour nous autres. Pour se protéger, c'est bien. Le site assure qu'avec des serveurs volant sur des stations en orbite basse, on peut atteindre des vitesses de plus de 100 mégabits par seconde et ce jusqu'à 50 km de distance. En fait, ce ne sont pas toutes les données du site qui seraient hébergées dans le ciel. Les drones agiront plutôt comme proxy pour rediriger le trafic dans un endroit tenu secret, dans un autre pays où ce sera moins illégal. Ou en tout cas, moins vérifié. Il est clair qu'en mettant au point ce genre de dispositif, The Pirate Bay pourrait se protéger plus efficacement des opérations policières visant à arrêter ses activités. Par ailleurs, notons que selon les dernières informations circulant sur la toile, les autorités de la Suède préparent une opération d'envergure pour faire tomber le site. Les intentions d'Apple sont désormais connues concernant son trésor de guerre qui gonfle de trimestre en trimestre. Les actionnaires seront récompensés à la hauteur de 45 milliards d'ici les 3 prochaines années, des chiffres que les analystes considéreront néanmoins comme étant modestes et conservateurs. Ils font tellement de profits, ils ne savent plus où les mettre. Apple confirme donc l'implantation d'un dividende régulier et l'instauration d'un programme de rachat d'actions pour la fin d'annulation. La société de Cupertino prévoit donc verser un dividende de 2,65 $ par action par trimestre dès son quatrième trimestre 2012 qui débute le 1er juillet. Un tel dividende représente une somme de 10,60 $ américains par action, offrant ainsi un rendement de 1,8% au cours d'action. Blablabla. Je me croirais sur la chaîne d'argent où je comprends rien quand il parle. Depuis, le conseil d'administration vient d'autoriser un programme de rachat d'actions d'une valeur de 10 milliards de dollars américains, initié à compter de l'exercice financier de 2013, et qui va débuter le 30 septembre 2012. Ce programme s'échelonnera sur 3 ans. et sera suffisant pour annuler l'effet de dilution relié aux octrois d'actions aux employés. Donc, c'est ça, c'est que Apple a fait tellement d'argent depuis les dernières années qu'ils sont obligés d'en redonner à leurs actionnaires parce que, ça fait depuis 1995 qu'ils n'avaient pas renvoyé de l'argent à leurs actionnaires. C'est ce que j'ai lu dans un autre article et que j'aurais aimé qu'ils écrivent dans celui-là. Ça aurait été vraiment pratique. Le nouvel iPad est déjà jailbreaké, François. Déjà, contrairement... quelques jours à peine. Contrairement à son prédécesseur, il n'aura fallu que quelques jours pour que le nouvel iPad soit jailbreaké, c'est-à-dire ouvert à la possibilité d'installer des applications qui ne sont pas approuvées par Apple. Pour l'instant, les outils n'ont pas été rendus publics. À peine quelques jours après sa sortie, le nouvel iPad est déjà jailbreaké. L'exploit a été réalisé par Stéphane Esser, aussi connu sous le nom de I0N1C, qui s'est empressé d'annoncer la nouvelle sur son Twitter. C'est une nouvelle pour le moins inattendue, puisque l'opération avait pris des semaines pour l'iPad 2. Cerise sur le gâteau, comme disent les Français, ce jailbreak est dit untethered, c'est-à-dire que l'appareil peut être redémarré à loisir par son utilisateur sans que ça affecte la modification. Aucun détail sur la faille exploitée n'a été donné. Toujours est-il que les résultats sont là. Le hacker s'est même fendu d'une vidéo que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com dans l'article de la chronique CNX. Pour le moment, les outils n'ont pas été rendus publics. Il est donc impossible de libérer votre propre iPad, mais ça devrait plus tarder. C'est quelque chose, c'est rapide. Est-ce que tu te rappelles de la console Neo Geo? Neo Geo, c'était une console portable. Une nouvelle console, pas une nouvelle console, mais c'est une vieille console. Dans l'article, on dit « Une nouvelle console portable prend son entrée », c'est parce que c'est un retour dans l'univers des jeux vidéo. Le fabricant Blaze a officialisé l'arrivée de la Neo Geo X au cours du deuxième trimestre 2012 au Japon, aux États-Unis et en Europe. Plus de 20 ans après sa sortie initiale, la Neo Geo est de retour. Cette nouvelle version de poche intégrera 20 jeux préinstallés qui vont évidemment plaire aux nostalgiques. La console reprendra son catalogue initial axé sur l'arcade et donc les jeux de combat comme Metal Slug, Fatal Fury ou encore King of Fighters. Côté technique, la Neo Geo X embarquera un écran de 3,5 pouces, une fente SD, une prise casque d'écoute et une sortie audio-vidéo pour la télé. Si Blaze a démenti auprès de Eurogamers le prix de vente d'environ $785 canadiens avancé par MCV UK, il n'a en revanche communiqué aucun tarif officiel. Surnommée la Rolls Royce des consoles pour le prix et la qualité très élevée de ses jeux, la Neo Geo est apparue en 90 au Japon et un an plus tard dans le reste du monde, dont la France. Rend des capacités techniques identiques aux bornes d'arcade. La console de salon était principalement réputée pour ses jeux de combat. En 98, la machine a connu une première version portable qui a été commercialisée qu'au Japon. Les autres régions ont attendu sa version Color en 1999 pour la distribuer. La Neo Geo Pocket s'est vendue au total à 2 millions d'exemplaires dans le monde et pour son retour, Blaze a mis en ligne un site où les joueurs peuvent s'enregistrer pour devenir les premiers informés sur la sortie de la Neo Geo X. Voilà. Toujours en termes de jeux vidéo, on parlait il y a quelques jours de Mass Effect 3. Il y avait eu une plainte aux États-Unis concernant la fin de ce jeu-là. C'était hier qu'on en parlait. Les gens se plaignaient que la fin du jeu était pas... ils nous avaient menti. Ouais. C'était pas excellent. Ils voulaient pas... Ils étaient pas contents. Mais non, les petits drôles, eux autres. Donc, on en parlait, comme on disait, hier, la fin de Mass Effect 3 fait débat chez les fans. Une réponse de BioWare était alors attendue et c'est Casey Hudson, producteur de la série, qui s'y est collé. La réplique est toutefois ambiguë et peut être interprétée de diverses façons. En effet, Hudson, qui cherche visiblement à ne pas trop spoiler, c'est-à-dire vendre le punch de la fin du jeu dans ses textes. Il affirme que la fin correspond tout à fait à ce qui était souhaité et que celle-ci ne sera pas drastiquement remodelée. Néanmoins, on apprend que les commentaires des fans sont pris très au sérieux et qu'aujourd'hui, aucune possibilité n'est à exclure. Mais alors, qui croire à l'interprétation la plus plausible reste que la conclusion du jeu sera dans le futur étoffée par quelques contenus téléchargeables. Mais il faudra encore être patient avant de connaître le dénouement de cette affaire qui fait visiblement couler beaucoup d'encre. Eh ben, hey, je te dis, hein, ils peuvent-tu choisir la fin de leur jeu eux-mêmes, les créateurs? C'est pas aux fans de décider comment quelque chose se termine. Mais bon. Des hackers. On revient encore sur un sujet qu'on a mentionné dans les précédentes chroniques. Tu te rappelles de Street Fighter X Tekken? C'est le jeu où le contenu téléchargeable que tu devais payer était déjà sur le DVD. Sur le jeu, ouais, c'est ça. Ça, c'est inacceptable. Ah, c'est incroyable. Capcom a pris l'habitude d'avoir tout un stock de personnages prévus pour être vendus en contenu téléchargeable, mais qui se trouvent déjà sur les disques de ces jeux. C'est pas nouveau pour cette compagnie-là. C'est une fois de plus le cas avec Street Fighter X Tekken. Je sais pas si on doit dire 10, là, mais je m'en fous un peu. Ce qui devait arriver, des petits piratins ont trouvé le moyen de débloquer des combattants sur la version Xbox 360 du titre. Ils jouent avec durant leur partie en ligne, ce qui désavantage évidemment les joueurs qui se retrouvent contraints d'affronter les 12 personnages dont ils ne, qui se doivent, dans le fond, ils doivent affronter des personnages qu'ils connaissent pas, finalement. Capcom et Microsoft sont sur le coup, d'autant qu'il ne sera pas trop difficile de repérer les hacks en ligne et de bannir les comptes incriminés. Mais en attendant, voilà encore une sale histoire qui ne manquera pas de raviver la grogne relative au contenu téléchargeable, ne servant qu'à débloquer du contenu déjà gravé sur le DVD, nous dit l'article très français de jeuxvideo.com. Voilà pour les nouvelles. Maintenant, allons-y avec la phase 2 de notre chronique CNX d'aujourd'hui, c'est-à-dire le tour du net. On va faire ça ben vite, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour moi à voir. Commençons avec une nouvelle campagne anti-cigarette et je te fais entendre l'extrait, François, et tu me diras ce que tu penses de cette première publicité. Tips from Smokers. Okay. Ça commence pas mal. Quand tu veux. Léa, on va laisser la petite musique. Ta-ta-ta-ta, petite vidéo en train de se charger. Ça va partir. Ah... Tu prends la peine de précharger les vidéos, puis ça change pas grand-chose. Hein? Bon. En tout cas, les liens vont être sur assemblagerequis.com dans quelques minutes. Vous allez pouvoir. Mais qu'est-ce que ça dit? En fait, c'est. Est-ce que tu peux résumer? C'est plusieurs personnes dans différents environnements. Par exemple, le gars est dans la douche et a son petit appareil sur la gorge. Ouais. Cette affaire-là pour les gens qui ont eu un cancer. C'est quoi? La gorge, évidemment. Donc, je tentais de le voir, je pouvais pas l'ouvrir ailleurs. Donc, tu vois dans sa douche, il dit quand t'as cette maladie-là, faut pas que tu te retournes vers la douche, parce que sinon tu vas te faire électrocuter, des affaires comme ça. Donc, c'est tout plein de personnes différentes qui nous montrent ça. Ah, tiens, je pense qu'on. Tiens, calme. Donc, le gars, c'est dans son jardin, il dit ne te penche pas si tu veux pas perdre le contenu de ton estomac. Tu sais, plus qu'un trou dans la gorge. Faites très attention quand vous vous rasez. Un truc comme ça, donc c'est quand même pas pire. Comme pub, non? Anti-cigarette? Ouais. Je sais pas. Mais comme ça, là, live, là, juste audio, comme ça, on comprend pas. Non, c'est ça, mais tu vois, dans le fond, tu vois rien de vraiment difficile à regarder. Là. C'est vraiment juste un gars okay. Et une fille, je pense, avec la machine sur sa gorge, comme ça. Mais tout ce que, dans le fond, c'est vraiment pas visuel, c'est vraiment plus de les entendre parler avec ça et de dire, bon, ouais, tu sais, penche-toi pas, sinon ton trou, le contenu de ton estomac va tomber ou de pas se virer vers la douche parce que sinon, tu vas t'électrocuter, donc des choses comme ça. Donc, c'est une publicité anti-cigarette, elle est à voir sur assemblagerequis.com. D'autres vidéos à regarder, c'est celui-là, tiens, des chiens qui jouent de la musique, mais c'est quand même spécial, c'est une fille qui joue avec, je sais pas si c'est une sorte de flûte ou quelque chose comme ça, et aussitôt qu'elle fait une note, le chien est capable de, il sait quelle note c'est, et le chien appuie sur la note de piano en même temps. Non, ouais. Tu vois? C'est le chien qui fait la note de piano, la fille fait la flûte. C'est quand même intelligent. C'est quelque chose. C'est très, très bien. OK. Ça, j'en ai assez de ça. Là. ils ont du talent, mais c'est pas de la musique non plus. Ça, là. Non, c'est ça. Par contre, celui-là, je trouve que c'est de la musique et tu me diras peut-être le contraire. C'est de la musique de Game Boy, mais ce n'est pas ce que tu pensais. Des fois, je te fais jouer du chiptune. Ouais. De la musique de Game Boy, de la musique qui ressemble à du Nintendo. Celui-là, regarde bien ce que c'est. On voit un gars sur son Game Boy original gris du bon vieux temps. Il appuie sur les boutons A et B. Ça fait ça. Ensuite, il donne des pichenotes sur le couvert, sur l'écran. Met son fil de son dans la prise d'écouteur, ce qui fait un buzz. Ah. Lance des cassettes de Game Boy sur sa table. Hein? Lance c'est quoi des... le ting? Le ting, c'est une fiche note sur les trucs de batterie dans le couvert. Quand t'enlèves le couvert, t'enlèves les batteries. Le spring. Il y a des petits aussi, des genres de petits kikling, kikling, kikling. C'est un instrument de musique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est comme des baguettes avec des petits filaments de, je sais pas de quel matériau, mais ils frappent avec ça. C'est ce qu'on voit, on voyait ça en haut dans le milieu. Parce que disait en plein écran, on voit tout en même temps. C'est vraiment pour vous montrer que c'était, chaque c'était affaire. C'est ça. Start, select. Et tous les boutons et tout ce qui peut être utilisé sur un Game Boy est utilisé pour faire cette chanson que vous écoutez là. Et que je trouve, ma foi, pas mal bonne, moi. Pas mal bon. Ouais. Il nous reste, pour terminer, un petit peu de nouveautés en magasin. Ça te tente, François, on va y aller avec ça, puis on se quittera après. Allons-y. On parle d'autre chose. Donc, All Zombies Must Die sort sur PC, c'est un jeu d'action. Il y a aussi Warp qui sort sur le PC et le Sony Entertainment Network de la PS3, c'est un jeu d'action. Defenders of Ardania, un jeu de stratégie. Wizorb, un jeu d'action. Bumbledore, un jeu de stratégie. Oui, Bumbledore et non pas Dumbledore. DLC Quest, un jeu d'action. Il y en a beaucoup des jeux d'action sur PC, hein. Cube Man, un jeu de stratégie. Space Arc, un jeu d'action. Sur Xbox 360, Birds of Steel, un jeu de simulateur de vol de la Deuxième Guerre mondiale. FIFA Street, un jeu de soccer style arcade qui est aussi sur PS3. Même chose pour Birds of Steel, lui aussi sort sur PS3. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, là, c'est le nom du jeu, c'est quelque chose. Un jeu d'action de combat en 3D qui sort aussi sur PS3. Silent Hill Downpour, c'est un jeu d'action aventure horreur qui sort sur Xbox et PS3. Et Top Gun Hard Luck qui sort sur PC et PS3 ainsi que sur Xbox 360. C'est un jeu de vol, donc d'avion. Xbox Live Arcade, donc en ligne seulement. Defenders of Ardania, le jeu de stratégie dont on parlait tantôt. Shoot Many Robots, un jeu d'action qui sort aussi sur le Sony Entertainment Network de la PS3. Sur PlayStation 3 maintenant, Tales of Graces F, un jeu de rôle. Et Yakuza Dead Souls, un jeu d'action-aventure. Sur le Sony Entertainment Network seulement de la PlayStation 3, donc en ligne, c'est Journey, un jeu d'aventure. Sur la PS Vita, la nouvelle console portable de Sony, Reality Fighters, un jeu de combat. On dit d'action, mais pas mal action-combat. Il y a Fighters dans le nom, on s'entend. Ouais. Il doit y avoir du combat là-dedans. Ridge Racer, un jeu de course. Et sur Nintendo 3DS, on retrouve Crushed ou Crush 3D. C'est un jeu de plateforme en 3D. Ceux qui aiment ce genre de jeu-là, les genres de puzzle plateforme, ça a l'air vraiment, vraiment génial. C'est un jeu où tu joues en 3D puis tu dois éventuellement, à un moment donné, aplatir ton monde pour faire un jeu 2D et là, faire certaines portions du jeu en 2D. Puis après ça, ça revient en 3D. C'est vraiment le fun. Et Planet Crashers aussi, un jeu d'action. Et sur DSiWare, le jeu Pirate Assault. Voilà, c'est le seul que j'ai pas réussi à trouver. C'était un quelle sorte de jeu? Pirate Assault, c'était trop vague comme mot. On dirait, il trouvait rien. C'est bon. Oui. Voilà. Dash.com. Chez voilà qui termine cette édition de CNX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 10h, en rappel dimanche à midi. Entre-temps, écoutez ces chroniques dans leur case originale à Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même. C'était Mathieu Plante, passez une excellente semaine et à la prochaine! Dash.com.